Donc, on est dans Romains et on va commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, tu veux nous maintenant nous instruire sur notre vie de tous les jours. Comment vivre dans une communauté chrétienne multi-ethnique, multi-religieuse d'arrière-plan qui doivent vivre ensemble et servir le Seigneur ensemble? On te demande que tu puisses nous aider, nous donner des principes, des préceptes qui vont nous aider à te glorifier dans notre vie d'Église. Donc, conduis-nous par ton esprit dans ta parole. Amen. Amen. Donc, le contexte de notre Épître aux Romains, comme je vous l'ai dit à quelques reprises, nous, on fait hébreu. Et donc, c'est le dimanche et c'est tout un défi de comprendre la pensée hébraïque, qui tous ces Hébreux qui se sont convertis et qu'ils doivent maintenant comprendre leur rôle avec la loi. Quel rôle la loi a-t-il encore dans leur vie? Cette loi qui venait de Dieu, qui venait de Moïse, que Jésus a vécu sous la loi pendant une période de sa vie, quelle place ça a maintenant dans la vie de l'Église? Est-ce qu'on... comme je vous l'ai dit dans les Actes des Apôtres, on a 30 ans au moins de la nouvelle Église qui a commencé, et on voit les conflits qui sont continuellement entre les problématiques dans les Églises, entre les païens, les juifs, les hommes, les femmes, les disciples de Jean, les samaritains. Tout le monde est un petit peu en conflit, puis essaie de trouver sa place. Mm-hmm. Dans Romains, on est à Rome, bien entendu, écrit à des gens de Rome, la grosse ville cosmopolite, où il y avait plein de monde qui vivait là, et il y avait des Juifs, bien entendu, et il y avait aussi des non-Juifs. Et Paul veut les aider à vivre en harmonie pour refléter la grâce de Dieu qui s'étend à toutes les nations. Okay? Donc, il a commencé dans les premiers 11 chapitres à nous donner la théologie derrière tout ça. Théologie de la grâce ou théologie de celui qui est sauvé par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, Paul élimine la loi comme moyen de justification ou de glorification. Ce n'est pas la base de l'appel de Dieu, de l'élection de Dieu. Et il dit, vous êtes tous théologiquement sur le même pied d'égalité. Vous avez tous été appelés, justifiés, vous avez tous été glorifiés, vous avez tous la même place dans l'appel ou dans le salut que Dieu vous a accordé. Ça, c'est important. C'est le fondement. S'il n'y a pas de différence dans notre appel, dans notre salut, dans notre justification et dans notre salut à venir aussi, dans notre glorification, va-t-il avoir de la différence dans notre vie de tous les jours? OK? Donc ça va être pour nous autres notre idée à développer comment interagir dans l'Église. J'ai fait ressortir la semaine dernière que le terme « les uns, les autres » est très présent dans les 5 chapitres. On va commencer à le voir aujourd'hui. Donc, il semble que les uns, les autres, ça a une grande place. Les uns, les autres, c'est les uns, les autres qui sont dans l'Église, les hommes, les femmes, les Juifs, les Grecs, ou les Romains, ou les autres nationalités qui étaient là. Donc, c'est comment est-ce qu'on doit vivre ensemble et refléter la grâce de Dieu pour tout ce monde-là. On a vu la semaine passée d'offrir nos corps comme un culte raisonnable à Dieu. Et ça, ça a dû faire une... Parce que la terminologie de l'expression « un culte » ou « un service à Dieu comme dans un temple », parce qu'un culte s'était fait à l'intérieur d'un temple, comme à Jérusalem, un culte raisonnable ou intelligent, que les deux, les païens et les juifs, sont appelés à faire le même culte, le même sacrifice à Dieu. Vous vous souvenez de toute la discussion avec la femme samaritaine, vous autres, vous adorez à Jérusalem, nous autres, on adore sur le mont Carizim, et vous autres, vous ne pouvez pas rentrer. Et toutes ces règles qu'il y avait dans le fonctionnement du temple. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas tout le monde qui pouvait s'approcher du lieu saint ou entrer dans le lieu saint, encore bien moins. Mais là, il dit que tout le monde, tous ces croyants-là qui ont bénéficié de ce qu'on appelait les compassions de Dieu, peuvent tous, hommes, femmes, riches, pauvres, hébreux, juifs, grecs, peuvent tous offrir leur corps comme un culte à Dieu qui est raisonnable, qui est intelligent. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de vraiment... Tu ne peux pas dire que moi, je ne peux pas servir Dieu comme toi parce que j'ai reçu les mêmes compassions que toi et je suis appelé à offrir mon corps aussi à Dieu comme sacrifice ou comme culte raisonnable. Okay? Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est nouveau pour les deux parties. Okay? Il va y avoir de l'ajustement à faire entre les deux groupes et aussi, ce qui ressort un petit peu moins dans Romains, mais qui ressortit à d'autres épîtres que Paul écrit, le rôle des hommes et des femmes, mm-hmm. qui n'était pas tout à fait la même chose dans la loi ou pour les Hébreux ou ben non, peut-être chez les Grecs ou les Romains. Et là, tout d'un coup, tout le monde, hommes et femmes, peuvent servir Dieu. Et ils peuvent offrir leur corps à Dieu, les deux. Donc ça, c'est intéressant de penser ça. Donc, tout le monde dans l'Église travaillent ou offrent leur corps comme culte raisonnable à Dieu. Et là, on a vu le verset 2, « Transformez, ou soyez transformés, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Mmh. » Et comme je l'ai fait sortir, j'ai fait ressortir un angle peut-être un peu différent que vous aviez déjà vu. Tu nous as laissé avec la question aussi. Pensez à ça. Comment vous voyez-vous? Est-ce que vous avez réfléchi à ça cette semaine? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez... Je ne me demande pas si vous avez adhéré ou... Mais est-ce que vous avez compris l'idée derrière ça? Oui. OK? Donc, si... Est-ce que dois agir comme un transformé ou je dois essayer de me transformer? Ça, c'était l'idée principale. Ouais. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Je crois que les restants des cinq chapitres qu'on va voir... On va l'expliquer. Va nous expliquer un peu. Donc, c'est pas de... Ne vous habillez pas, ne faites pas les mêmes activités que le monde, mais dans votre relation avec Dieu, ne faites pas comme le monde. OK? Parce que le monde, dans tous ses ébats, dans toutes ses idées religieuses ou spirituelles, les œuvres ont une grande place. Et nous, c'était la foi sans les œuvres. Donc, ce qu'on va vivre là ne dépend pas des œuvres qu'on a faites ou celles qu'on va faire, mais dépend de ce que Dieu a fait pour nous. C'est un petit peu différent. Donc, comme des gens transformés, ou si vous voulez prendre l'idée qu'ils se transforment, anyway, on va servir Dieu avec une intelligence renouvelée. Moi, ce que je vous encourage à faire, mon idée à moi, c'est d'aller dans cette direction-là en regardant qu'est-ce qui s'était passé quand j'avais été sauvé, quand j'étais régénéré. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie le jour où il m'a, qu'on dit souvent, sauvé ou justifié? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les privilèges d'un justifié? À quoi ça ressemble un justifié? Donc, nous, souvent, on a fait le lien, le justifié, à la fin de sa vie, va aller au ciel avec Dieu. Mais le justifié présent ici, maintenant, sur la terre, qui était justifié, sans les œuvres de la loi, quel impact ça a eu dans sa vie? Qu'est-ce que ça fait dans sa vie? C'est comme ça que je vous ai suggéré la semaine passée. J'ai des textes qui me parlent que j'ai été renouvelé, je suis né de nouveau, j'ai reçu une vie nouvelle. Et donc, automatiquement, pour moi, je suis moins appelé à me transformer plutôt qu'à de vivre comme un transformé. Donc, plutôt dans ce sens-là. Diabelle, tu voulais-tu en parler ou... Non? Ben, nous, en étant transformés, par la foi, parce que le renouvellement de l'intelligence, pour moi, c'était les 11 premiers chapitres, tout ce qu'il a dit par rapport à la foi, par rapport à qui on était devenu en Jésus, ben, ça nous amène à l'adoration, mais on est transformé. On fait juste vivre la vie que Dieu nous a donnée en lui. Ouais. Donc, si je considère bien, moi je remarque dans nos vies, entre différents groupes ou les différents croyants, c'est souvent notre compréhension de ce que Dieu a fait dans notre vie, au début de notre vie chrétienne, qui nous différencie par la suite. J'ai déjà fait ressortir, quand j'ai fait un enseignement sur l'Évangile de Jean, souvent on parle du salut en fonction de l'éternité. Dieu m'a pardonné, je vais aller au ciel, mais que je meurs. Et quand j'ai fait l'Évangile de Jean, j'ai fait ressortir, dans Jean, il n'en est pas mentionné. Jean ne parle quasiment pas des pardons des péchés et ne parle pas non plus de la vie future, presque jamais, dans son Évangile. Tout ce que Jésus parle est ce qu'il dit, je suis la vie et je suis venu pour vous emmener la vie ici, maintenant, tout de suite. Vous allez avoir la vie ici et vous allez vivre pour Dieu ici. Il ne parle pas autant de plus tard comme je suis venu vous donner la vie ici. C'est pour ça qu'il parle à Nicodème de la nouvelle vie, tu vas naître de nouveau. Il parle à la femme samaritaine, tu vas boire de l'eau qui va te donner la vie. Il est toujours en train de parler de la vie, de la vie, de la vie. Ça revient... quasiment une centaine de fois, cette idée de la vie. Je suis venu emmener la vie maintenant ici. Il ne parle pas du pardon des péchés non plus. C'est pour ça que c'est un des évangiles qui parle le moins de la dernière semaine. Il parle de cette vie qu'il apporte et cette vie qu'il va faire de moi. Il dit, si tu as la vie, tu vas devenir un adorateur en esprit et en vérité. Okay? La vie que je te donne fait de toi un adorateur en esprit et en vérité. Ça rejoint l'idée ici, OK, de ce que je voulais dire, dans ce sens-là. Oui? Je ne sais pas, t'avais-tu fini, Isabelle? Oui, mon frère. Okay. Moi, si je peux, oui. Si tu me permets, c'est ça, le cycle présent, c'est ça, c'est faire des œuvres, comme tu disais, comme on disait, mais il dit, pour nous, faites pas ça. Mm-hmm. Changez votre façon de penser, mm-hmm. ou elle a été changée, okay. pour une nouvelle façon de penser, tu sais, renouvellement d'intelligence, pensée, tout quoi. Mm-hmm. Ça dans mes mots là, pour comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Puis on dirait que plus bas il l'explique, c'est qu'on est un, on est un peuple, oui. On est un en Christ. C'est ça qu'on va voir à soir, cette idée. Qui va s'intégrer. Mais je me souviens, excuse-moi François, je me souviens aussi que tu avais dit que ne vous conformez pas et mais soyez transformés. Il est au. Comment tu appelais ça? C'est un impératif passif. Impératif passif, c'est un commandement. Soyez transformés. Oui, donc, mais qui ne vient pas de. Mais c'est passif. C'est pas transformez-vous. C'est différent pour moi. Donc, ouais, c'est comme soyez remplis de l'esprit, comme j'avais fait ressortir. Ouais. Soyez remplis de l'esprit, c'est pas remplissez-vous, mais agissez comme des gens remplis de l'esprit. Mm. Donc, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis de l'esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc, soyez des gens transformés. Qu'est-ce que je disais pour changer votre pensée, mais dans le fond, je ne peux pas la changer, c'est Dieu qui la change. Ma pensée. C'est pour ça que qu'est-ce que ça veut dire quand vous pouvez méditer là-dessus dans la semaine ou dans les années qui s'en viennent? C'est intéressant. Ça n'arrête pas. C'est quand il m'a fait naître de nouveau, cette nouvelle vie-là, elle a quel attribut? Mm. OK? Des fois, je prends un exemple farfelu. Si je te change en chien, mais ça va faire bien différent que de la vie que tu as maintenant. Tu as une nouvelle nature. OK? Tu as une nouvelle nature. Tu as une nature câline ou de chien. Quand j'ai reçu une nouvelle nature, elle va produire quoi, cette nouvelle nature-là? Et c'est ça que dans Jean, Jésus fait ressortir, dans toutes les fois qu'il va parler de cette vie-là, il va dire que cette vie-là produit dans le croyant. Donc, elle amène ses fruits, cette vie-là, avec elle. Donc, je ne peux pas, moi, produire des fruits, mais c'est la vie que j'ai reçue qui va produire des fruits différentes. Mm-hmm. Que celle que j'avais avant. Donc, ça va être... Parce que si... Quand on regarde le monde agir, qui, dans les différents mouvements religieux, leur approche à la vie spirituelle ou la vie religieuse, elle va être différente de ce que Paul va nous emmener ici. Les quelques idées qu'il va nous emmener dans les chapitres, et comme je vous dis, ça va toucher surtout les uns les autres. Donc, je suis obligé de faire que ce soit un peu un lien que, avec cette nouvelle intelligence-là, ou ce renouvellement d'intelligence-là que j'ai ou que je vais acquérir, je vais me comporter différemment avec les gens, mm-hmm. avec les autres qui ont reçu la même vie que moi. Et je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine, ça va se manifester dans ma relation avec les frères et les sœurs, si j'ai bien compris qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu a fait en moi. Bref, ça prend vraiment la grâce de Dieu. Oui, tu sais. Mais cette transformation qu'il a faite en moi hein, va se manifester dans ma relation les uns avec les autres. Les autres épîtres en parlent aussi. Il y a des passages très, très, très forts dans certaines épîtres qui sont du Nouveau Testament. Si tu aimes les frères, tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas les frères, tu n'aimes pas Dieu. Aïe, aïe! Ouais, moi, j'aime beaucoup Dieu. Les frères, j'ai de la misère avec eux autres. Mmh. Mais non, ils disent que l'équation n'est pas bonne. Là. Mmh. Il faut bien définir, ça veut dire quoi, aimer les frères, pour le moment. Mais il y a une équation, là. Donc, ici, il dit, si vous avez bien compris ce que je vous ai enseigné, 1 à 11, ça va, vous allez le vivre dans vos relations avec les frères et sœurs par la suite. Et ça commence au verset 3, et on va commencer à lire avec Isabelle, Daniel et Patrick. On va commencer, là, il va parler de quelque chose d'intéressant. Mais on va lire juste le verset 3 pour commencer, Isabelle. Okay? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Eh bien, ça commence bien. Est-ce que c'est, si vous avez fait un peu de psychologie, la tendance de l'être humain, c'est-tu de se voir pire ou mieux que les autres? Un peu mieux. On a tendance, hein, dans notre nature, tout à fait, à penser qu'on est mieux que les autres. Mm-hmm. C'est le péché qui fait ça en nous. Et l'apôtre ici dit, je vous ai, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, ça semble être général, ça semble pas à quelques-uns d'entre vous qui avaient des problèmes avec l'orgueil ou avec la vanité spirituelle, mais il dit à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Des sentiments modestes, ce n'est pas non plus d'avoir une mauvaise opinion. Mm-hmm. Le sentiment modeste, c'est celui qui est... Une opinion juste. Juste, je dirais, qui est comme Dieu nous voit, okay? Comme la perception que Dieu a de chacun de nous. Et selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et là, on va voir, est-ce qu'on a différentes fois ou si on a la même foi, ou est-ce que c'est quoi cette mesure de foi-là? Parce qu'il y en a qui commencent à... Parce que moi, mesure, là, je veux dire mesurer. Hein? Mm-hmm. Mesure. Donc, je suis en train de me mesurer avec les autres. Est-ce que je dois me mesurer? Non. Si je me mesure, il y a un risque que tu sois mesuré mieux ou pire. OK? S'il y a un risque. Mm-hmm. Et Paul va nous donner... Parce que ça va être un combat dans notre vie chrétienne, puis il va nous donner... Le raisonnement derrière qui va nous aider à ne pas savoir mieux, mais avoir une vue modeste de chacun d'entre nous. Ne pas avoir une vue non plus trop élevée de toi. Il ne faudra pas que je te dise, je te vois mieux que moi parce que tu es le pasteur et moi je suis moindre parce que je suis la brebis. Okay? Donc, je vais te voir comme Dieu te voit, puis moi je vais me voir comme Dieu me voit aussi. On va avoir une espèce de neutralité qui va s'installer entre nous. Mais, Il va nous dire comment on va y arriver. C'est ça que le monde ne fait pas. Nous, notre équation, moi j'ai regardé dans les différentes églises, dans les différents mouvements religieux, on ne traite pas tout le monde de la même façon. On a de la misère à voir tous les croyants de la même façon. Mmh. Je l'ai déjà compté. Quand on était dans une première église, quand j'étais sauvé, on faisait des petites fêtes quand quelqu'un partait. Tu sais, quand quelqu'un déménageait, on faisait une petite fête pour leur dire au revoir. Mais quand le pasteur est parti, ce n'est pas été une petite fête, ça a été un gros banquet. Mmh. Et il y a un chrétien qui est venu me voir et dit, « Vous dites qu'on est tous égaux, mais c'est pas vrai. Vous ne le croyez pas. Vous ne le croyez pas. Vous n'avez pas agi en conséquence de ce que vous avez dit. » Sur le coup, ça me l'avait comme... Mais après, j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire. Pourquoi vous faites cela si vous dites que le pasteur a juste joué son rôle de pasteur comme tout le monde? Et il dit, je me serais attendu qu'on ferait une fête comme les autres croyants, si on est tous égaux. Est-ce que vous mesurez cela? Donc, c'est dans ce sens-là. On a de la misère à voir tout le monde pareil. Dans c'est l'église. Subtil aussi. Hein? Et, puis on ne le fait pas non plus dans les organismes humains et sociaux. Hein? Mm-hmm. On ne traite pas le concierge de la même façon qu'on traite le président. Mais il dit, ne vous conformez pas au monde. Faites pas comme ça, vous autres. Mm-hmm. Faites pas comme ça. Vous autres, vous allez agir différemment. Vous allez faire ça autrement dans vos relations mutuelles ou les uns avec les autres. C'est là qu'il va dire « car ». Vous savez, le mot « car », c'est la réponse. Pourquoi vous ne devez pas être orgueilleux? Pourquoi vous devez être modeste? Car, Isabelle? Attends un petit peu, François. Oui. Selon la mesure de foi. On va voir ça en s'en allant. On va essayer de trouver le sens. Qu'est-ce qu'il veut dire par mesure? Est-ce qu'il y en a qui ont plus de foi que d'autres? Il y en a qui disent ça. Mais est-ce que c'est... On va voir... On va lire le texte, mais on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Ça va nous ramener un petit peu à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. OK? Car, là, il va nous expliquer pourquoi. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ah, voyez-vous, là, il dit, car on est plusieurs membres, mais il y a juste un corps. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Ils n'ont pas tous la même mesure de foi. OK? Ainsi, nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. On n'est pas juste membres de Christ, mais on est membres les uns des autres. Donc, qu'est-ce qui va vous aider à garder, ne pas avoir une trop haute opinion de vous? Parce que l'opinion, là, on la forme comment, notre opinion? Comment est-ce qu'on forme une opinion de nous? En se comparant aux autres. Ben oui, on se compare. Hein? On compare les différentes parties et on s'évalue. On s'évalue. Parce que c'est comme ça qu'on se fait une opinion. C'est pas si je suis tout seul dans le bois, ben je vais avoir de la misère à me voir plus haut que les autres. OK? Parce qu'il dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous, mais ce serait un peu futile d'avoir une opinion trop haute de moi, je suis tout seul dans le bois. Là. Ça ne donne pas grand-chose. Mais, revêtez des sentiments modestes. Donc, je forme un corps. Un corps, que tu sois homme ou femme, juif ou grec, tu formes un corps. Et nous sommes tous membres de ce corps-là, à part entière. Nous n'avons pas tous le même rôle à jouer, mais nous avons tous, on est tous membres. Il n'y en a pas un qui est dans le corps qui n'est pas une partie, qui n'est pas un membre du corps. Mais on n'est pas non plus juste des membres reliés à la tête, qui est Jésus-Christ, mais on a une interaction les uns avec les autres. C'est drôle, j'avais jamais... On le lit souvent, mais j'avais jamais arrêté à ça. Nous sommes tous membres les uns des autres. Écoute, t'es mon membre, mais moi, je suis ton membre. J'ai une interaction avec toi, je ne peux pas me dissocier de toi. Je ne peux pas me cloîtrer et dire, moi, je suis une partie du corps, je suis en lien avec la tête et ça suffit. Je ne peux pas. Ça ne fonctionnera pas. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Il dit, tous les membres, vous dépendez les uns des autres. C'est ça qui fait que je ne peux pas avoir une opinion trop élevée. Ouais. Tu dépends de moi, donc fais attention comment tu me traites. Et moi, je te dépends de toi aussi. Donc, je vais faire attention comment je te traite. Quelle idée que j'ai de toi. Parce que je sais, et ça, ce n'est pas toujours facile pour le croyant de saisir l'amplitude de cela. Je dépends de toi pour vivre ma vie chrétienne. Je ne dépends pas juste de Dieu et du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, je dépends de Dieu et du Saint-Esprit, OK? Mais Dieu a voulu que je dépende aussi de toi. Moi, je ne connais pas de chrétiens isolés qui fonctionnent bien, vraiment. Qui dirait, moi, je suis un chrétien, je suis tout seul, puis oui, Daniel. Cette semaine, on est allé visiter quelqu'un. Puis quand, sur le pas de la porte, prêt à partir, j'ai dit, tu es encouragé. La personne a dit, oui. J'ai dit, penses-tu que Isabelle et moi, on est encouragé? Là, ça ne va pas trop. J'ai dit, oui. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien un peu avec ça. Il y a un mutuel encouragement. Il y a toutes sortes de vérités bibliques, de versets bibliques qu'on pourrait sortir. Quand on est faible, on est fort. La corde à deux brins est plus forte que la corde à un brin. On pourrait sortir un paquet de versets, de principes. Là. Mais ici, si je sais que j'ai besoin de toi pour vivre ma vie chrétienne, je vais faire attention à comment je te traite. La main ne peut pas devenir orgueilleuse de la main gauche si elle est la main droite. Ah, moi, je suis plus important que toi parce que je suis la main droite. Droitier. Je suis droitier. Là, non, droitier. C'est la main gauche. Mais la main droite a besoin de la main gauche. La main gauche a besoin de la main droite. Et les mains ont besoin des bras. Les bras ont besoin des jambes. J'ai besoin de toi dans mon service pour Dieu. Je ne peux pas me dissocier. Et la plupart des croyants qui fonctionnent assez bien, qui ont une vie chrétienne assez fructueuse, je pourrais dire comme ça, habituellement, ils ont des bonnes relations avec les frères et sœurs. Ils sont en lien avec les frères et sœurs assez souvent, je dirais, pour que ça ait un impact. Ben, si je te vois de dos le dimanche matin pendant une heure, puis c'est tout ce que je vois de toi, ça va être difficile de comprendre que je dépends de toi. Je vais peut-être penser que je dépends du gars en avant qui prêche. Et c'est un fait, oui, c'est un fait. Le gars qui est en train de m'enseigner, j'ai besoin de lui, mais ça ne peut pas être juste de même. Lui a besoin de moi. Hop. Mais est-ce que le pasteur, lui, sent qu'il a besoin du gars assis dans le bain pour faire sa job de pasteur? OK? S'il pense qu'il n'a pas besoin, mais il a une opinion trop haute de lui. Ouais. Okay? Lui tout, il a une opinion trop haute de lui. Il a besoin des gens autant avec lui pour faire son rôle de pasteur ou d'enseignant. Donc, la façon de garder l'humilité spirituelle, c'est de comprendre que Dieu a voulu qu'on ait un lien, une interaction les uns avec les autres. Et c'est important qu'on le saisisse. Et je me souviens, là, bien des années en arrière, on était dans une conférence de leaders au Québec, puis on discutait de ce qu'on appelait la communion fraternelle. Puis tout le monde était d'accord à dire on aurait besoin de développer dans l'Église quelque chose pour emmener les frères et sœurs, d'être en interaction les uns avec les autres. Il n'y a personne qui est capable de mettre le doigt sur comment on va le faire vraiment, la façon qu'on fonctionne. Okay? La façon qu'on fonctionne présentement, la majorité des croyants, 80% des croyants, 90% des croyants, se voient uniquement le dimanche et n'ont pas beaucoup d'interaction les uns avec les autres. Pas beaucoup. À moins qu'ils décideraient de rester à dîner tout le temps ensemble, d'avoir l'après-midi ensemble, je ne sais pas comment. Mais ils n'ont pas beaucoup d'interactions. Donc, on disait, comment est-ce qu'on peut faire? Puis là, mais on avait toutes nos idées, nos objections. On ne peut pas faire d'autres réunions, il y en a déjà assez. Puis là, les chrétiens, ils travaillent, puis ils ont leur femme, ils ont leur mari, ils ont leurs enfants. Là, tout le monde, on essayait de trouver comment, mais on voyait le besoin, mais on avait de la misère. On avait de la misère, mais on voyait que c'était une faiblesse dans nos églises. Quand on lit les Actes des apôtres, on a l'impression, je ne sais pas si vous avez cette impression-là, qu'il y a une interaction plus grande entre les croyants de ce que des fois, ce qu'on vit au Québec, mettons, en 2018. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça un petit peu. Oui? Ils étaient plus souvent ensemble. On semble voir ça, hein? Qu'ils semblaient avoir plus d'interactions. En tout cas, dans les premiers chapitres, ils semblent être quotidiennement ensemble pour aller prier au temple. Ils semblaient faire des réunions dans leur maison. Ils semblaient avoir une interaction un peu plus fréquente. Oui, Daniel? S'ils se faisaient courir après, puis pour être persécutés, tout ça, ils devaient se tenir ensemble, là, comme... Il y avait ce besoin-là. Ils devaient désirer être ensemble, là. OK. Donc... c'est pas drôle. Il y a un besoin humain. Moi, je l'ai vécu quand je suis allé dans dans le Canada, dans les provinces étrangères. Quand on est en minorité, on a tendance à rechercher les gens de la même minorité que nous. Quand j'étais en Ontario, après sortie de l'école, on est arrivé dans des villes et on cherchait les francophones. Sans s'en rendre compte, on cherchait les petits restaurants francophones, les places où les francophones allaient prendre une bière. On recherchait des gens qui étaient comme nous. C'est quasiment instinctif. Dans l'Église, le fait qu'on devient une minorité dans la majorité, parce qu'on est des chrétiens maintenant, on est différent de la masse, il y a un besoin quasiment inné qu'on recherche les autres chrétiens pour pas se sentir trop seul, puis qu'on pouvoir partager nos idées avec eux autres et combler certains besoins spirituels ou émotionnels qu'on a besoin de faire ça. Ça, c'est quelque chose qui semble... C'est pour ça qu'on voit dans Actes, chacun partageait ce qu'il avait, personne ne disait que le bien leur appartenait en propre. Il y avait une communion là qui semblait sortir de l'ordinaire. Okay? De l'ordinaire. Si je comparais avec Puis notre société à nous autres, elle-même, je dirais, nous prédispose à l'individualiste. Okay? Il y a certaines cultures qui les prédisposent à d'être plus sociales. Ils vont avoir l'autre jour, je regardais un petit documentaire sur des petits peuples plutôt isolés. Et il y avait une place communautaire pour manger. Ils faisaient la chasse ensemble. Il y avait beaucoup d'activités sociales ensemble. Nous, on pourrait dire notre grande activité sociale, pour la plupart d'entre nous, c'est le travail. Hockey. Le hockey. Je dirais que c'est le travail. Ouais. On passe 30, 40, 50 heures au travail avec une communauté là, qui s'identifie avec nous. Donc, mais du côté de l'Église, c'est un petit peu différent. Donc, l'apôtre Paul, il dit, vous formez un seul corps et vous êtes tous membres les uns les autres. Wow. Vous n'avez pas tous le même don, vous n'avez pas tous le même rôle à jouer, mais aucun de vous je peux m'en passer de lui. J'ai besoin de tous les membres et tous les membres ont besoin de moi. Et ça me garde plus modeste, ça me garde plus humble de me rappeler ça. De dire, je dépends d'eux, j'ai besoin d'eux, ces gens-là, pour vivre ma vie chrétienne. Et ça, c'est important. Et dernièrement, je priais pour un couple que j'ai connu et qui était très actif à un moment donné, très fonctionnel avec les croyants. Et ils ont changé de job toutes les deux. Et ça les a isolés des croyants et tranquillement, sont disparus. Ils sont disparus tranquillement. Ils ont juste quitté tranquillement. Oh, on les voit le dimanche, mais c'est fini. Et je vois que leur vie chrétienne est plus difficile, plus ça n'avance plus, il n'y a plus de croissance au temps de la compréhension de la parole de Dieu. Il n'y a plus cette flamme que je voyais au début, que, parce qu'il côtoyait. Parce que moi, si je côtoie une gang de zélés, je vais être zélé. Hein? Si je ne les côtoie pas, là, ben, automatiquement, je vais avoir tendance à me refroidir tout seul. Okay? On ne peut plus vivre les uns les autres. Oui, c'est ça. C'est, automatiquement, comment je vais faire? Comment je vais faire? Prendre mes dons au service les uns des autres. Comme il dit à la fin du verset 5, vous êtes membres les uns des autres. Comment je vais pouvoir aider mon frère si je ne le côtoie pas, je ne le connais pas, je ne le vois pas? Et là, il va expliquer, je dirais, la mesure de foi, là. OK, au verset 6. C'est Daniel, je pense. Ouais. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. On va arrêter là. Je dirais ici que la liste des dons n'est pas exhaustive. Non. Il donne un exemple. Hein? Il donne un exemple de ce qu'il vient de déclarer. Mm-hmm. Vous avez tous une part à jouer dans le corps de Christ. Vous formez tous une entité qu'on appelle le corps de Christ. Et vous avez tous la même tête qui est Christ. Et chacun va jouer son rôle parce que si j'ai un don de miséricorde, ben, il va falloir que je l'exerce envers des gens. Ce n'est pas envers mon oiseau. Mon chien. Là, on ne parle pas du voisin. Malgré qu'il n'y a rien qui empêche que j'exerce une miséricorde envers mon voisin. Mm-hmm. Mais ici, c'est plutôt le corps dont on parle. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Les dons ici, je dirais dans tous les textes du Nouveau Testament, les dons sont utiles pour le corps de Christ. Ça ne m'a pas été donné du corps. Converti. Okay? Je ne dis pas que je n'utilise pas mes dons d'enseignant quand je parle avec un inconverti. Oui, je peux. Okay? Mais le but de mon don, c'est d'enseigner les croyants. Le but de ma miséricorde, c'est d'aider celui qui est dans la misère. Le but de ma libéralité, c'est d'aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et donc, tous les dons qu'il nomme là, ne se jouent pas, ne s'utilisent pas, n'ont pas de valeur si je n'ai pas les uns les autres. Je n'ai pas. Alors, aucune valeur. Là, tu m'as donné un beau don, mais je n'ai personne à enseigner. Trouve-toi un élève à quelque part. Donc, ça que je dirais, si tu as un don d'enseigner, il y a autant de différences dans la méthode d'enseignement qu'il y a de chrétiens qui ont le don d'enseigner. Okay? Mm-hmm. Ça pourrait être un à un, en groupe, en petit groupe, en gros groupe, par l'écriture. Il y a des gens qui ont le don d'enseigner, ils écrivent. Ils enseignent par les livres qu'ils vont écrire. Donc, il n'y a pas de méthode meilleure qu'une et l'autre. On voit avec la personnalité et le caractère qu'on a. Chacun de nous, on peut voir tous ces dons-là et on ne les compare pas. On les sait tous utiles. Ils sont tous des dons de Dieu. Ils ont tous la même valeur aux yeux de Dieu. Ils ont tous un rôle à jouer. C'est l'édification du corps. Oui. C'est le fonctionnement du corps. Paul va le dire de même dans 1 Corinthiens 14. Oui, Daniel? Donc, tous ces dons-là, c'est ça qui explique là, quand il dit « selon la mesure de foi que Dieu a les partagés. » Je ferai un synonyme avec « selon la grâce qui nous a été accordée ». C'est le même synonyme. Et je dirais que tous les enseignants ont un peu la même idée que c'est ça que ça parle ici. Ouais. Accepter ceux qui auraient des idées là, avec de comparer les différents dons. Ouais. Ma mesure de don d'enseignement est différente. Mais c'est pas ça, je pense pas que l'auteur veut créer l'unité et veut m'aider à ne pas avoir une trop haute opinion de moi-même. Donc, il n'est pas en train de me donner une mesure pour me valuer avec l'autre gars qui enseigne aux côtés de moi. Il est en train de vouloir plutôt de me dire, tu as un don d'enseigner, enseigne les frères. Tu as un don de miséricorde, sois miséricordieux avec les frères et sœurs. Tu as un don de libéralité, vas-y mon gars, vide ton portefeuille. Vas-y, va voir les frères et sœurs, vide ton portefeuille. Vas-y, fais-le avec pleine joie, avec pleine avec amour avec, pour les frères et sœurs, parce que tu les sais faisant partie du corps de Christ comme toi. Et plus mon frère et ma sœur ont une vie chrétienne pleine, plus que moi, j'en bénéficie aussi en même temps. OK? Je ne peux pas avoir des bonnes jambes puis pas en bénéficier. Ça va me porter facilement si j'ai des bonnes jambes. Si j'ai des bons bras aussi, je vais en bénéficier. Donc, c'est une comparaison un peu limitée, mais on comprend l'idée. Plus l'Église fonctionne bien, plus je vais en tirer aussi des profits avec ça. Donc, si mon corps est en santé, bien, toutes les parties du corps profitent d'être en santé. C'est normal de comprendre ça comme ça. OK, donc, comment je vais me garder humble? Ce n'est pas juste en priant. Oui, je peux prier. D'ailleurs, aide-moi à voir mes frères et sœurs comme mes égaux, comme ils ont eu des dons comme moi, de me comporter avec humilité, avec modestie avec eux autres, de mettre mon don à leur service. Ouais. Et comment je peux faire? Et c'est là qu'on peut prier, Seigneur, comment je peux faire pour prendre mon don et le mettre en pratique? Et là, on pourrait se poser la question, mais l'auteur ici n'a pas l'intention de m'expliquer les dons. Il ne nous dit pas c'est quoi la prophétie, mais il dit que vous avez tous reçu des dons et vous devez les mettre en service des autres. Donc, comment est-ce que je vais savoir mon don? Et là, chacun a des petites idées différentes là-dessus. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus j'ai de la misère à faire la différence entre les dons et les talents naturels. OK? Plus j'ai de la misère. La plupart des gens que je côtoie qui sont des enseignants dans l'Église enseignaient déjà avant d'être chrétiens. La plupart que je connais. Et ceux qui ont le don de servir, servaient les gens avant d'être chrétiens. Moi, je connais une madame qui a un grand don de miséricorde, mais elle était infirmière. Et elle aidait les malades, puis elle secourait les malades, puis elle flattait les malades, puis elle aimait s'occuper des gens qui avaient besoin d'aide. Elle est devenue chrétienne. Elle a continué à faire de la miséricorde pour la gloire de Dieu. OK? Ouais. Donc, je dirais... Vas-y, Patrick. Ce que tu avances, je l'ai entendu au début de ma vie chrétienne aussi, il y avait ça. Puis probablement, avant moi, ça se parlait déjà. Il y a des pasteurs dans le temps, c'était les pasteurs qui disaient qu'ils ne faisaient pas la différence vraiment entre les talents et les dons. Mm-hmm. Et là, est-ce que c'est à dire que les non-croyants ont des dons? Alors, c'est pour ça que je veux dire, si on les compare talents, nous, ce qui va faire la différence, c'est que nos talents ne sont pas pour nous, mais ça va être pour la gloire de Dieu et pour le service du corps de Christ. Ouais. C'est ça qui va faire la différence. On ne fera pas comme le monde avec mon talent, si je le prends de main. Je vais faire autrement. Je vais faire comme quelqu'un qui est renouvelé. Mais, je reviens, Isabelle, il y a des dons qui sont faciles à voir. Je ne pense pas que Paul avait le don de miracle avant d'être croyant. OK? Il y a des dons qu'on appelle les dons signes qui sont évidents, que les gens ne l'avaient pas avant d'être croyants. C'est les autres dons que est-ce que des gens... Je ne suis pas catégorique, puis je tranche au couteau, puis ça n'existe pas, là. Mais, règle générale, c'est ce que je vois. OK? Oui, Isabelle, tu voulais ajouter quelque chose? Bien, un don, dans le fond, c'est quelque chose qu'on donne. Fait que quand tu es non-croyant, tu as un talent. Mettons ce talent-là. Mais là, quand tu arrives à l'Église, le Seigneur veut qu'on donne. Le don, il est pour l'autre. Le talent, si on peut dire. C'est... Fait que je le vois comme ça. Que c'est... Dans le fond, on le met au service de l'autre. Fait que c'est un don. Tu fais comme... Oui. C'est pour ça que quand on parle de don, et moi, je maintiens mon idée en premier du verset 2. Là. Faites pas comme le monde, vous autres. Mes dons, mes talents, comment je les utilise dans le monde, c'est une façon. C'est pour ma valorisation, au détriment de celui qui n'a pas les mêmes capacités que moi. Et je considère des fois moins ses capacités. Et on fait des clans, on fait des causes, on fait des catégories, on divise la société en intellectuels, en manuels, en riches, en pauvres. Puis, dans la vie chrétienne, on enlève toutes ces barrières-là. OK? Puis, on dit, on forme un corps maintenant. On n'est pas comme le monde. Nos talents, nos dons, peu importe comment ce qu'on les appelle, si c'est des dons que je reçois à ma nouvelle naissance, mais ça ne change pas l'idée. Je les mets au service des autres et je les utilise pour le bien-être du corps de Christ qui va faire la gloire de Dieu. Donc, on reviendrait à la même place. Mais peu importe comment je le vois, ça me vient de Dieu. Ça m'a été donné par Dieu. Ouais. Et la place que j'ai dans le corps, je ne l'ai pas choisie. Ça m'a été donné, ça m'a été imposé par Dieu. C'est dans sa souveraineté, il m'a placé dans le corps comme il l'a voulu. Ou il m'a donné les talents qu'il a voulu. Il m'a donné la capacité intellectuelle qu'il a voulu. Donc, si j'ai un quotient de 20, qui est très minime, probablement je ne serai pas un grand théologien qui enseigne, qui va faire des doctorats, puis qui va faire ci. Dieu m'a déjà prédéterminé à faire autre chose dans le corps de Christ. Donc, c'est dans ce sens-là, il faut faire attention que je ne crois pas que Dieu m'a créé ne tenant pas compte du don qu'il me donnerait si c'est un don que j'ai à la nouvelle naissance. OK? Mm-hmm. Il m'aurait créé de façon telle que le don qu'il me donnerait, je serais capable d'utiliser. OK? Si je le vois comme ça. Oui, Daniel? Là, je vais un peu... je vais prendre un exemple concret. Oui. Patrick, avant d'être croyant, t'enseignais pas, je pense. Du tout. Du tout. T'es devenu croyant, t'as pas enseigné de suite. Ça a pris un temps d'apprentissage et tout, là. Mm-hmm. Mais là, t'enseignes. Tu dis quoi de ça? C'est un don que t'as eu quand t'es devenu croyant ou... Puis en même temps, les deux sont vrais parce que c'est un gage... Tu sais, il savait qu'il t'amènerait là. Oui. Ben, moi, je vais l'appeler comme Dieu l'appelle, un don. Je n'appellerais pas ça un talent. Par contre, j'ai tendance un peu peut-être à penser comme toi, François, dans le sens que Dieu me prédisposait ou me préparait. Tu sais, Dieu, dans sa souveraineté, dans son plan, si je prends un exemple à part, moi, j'ai déjà eu un accident, puis je ne suis pas mort, parce que Dieu m'avait... Tu sais, il voulait me sauver plus tard, dans ce sens-là. Donc, il a fait en sorte que son plan s'accomplisse pour toutes sortes de choses. C'est la même chose peut-être pour, appelons-le peut-être talent ou quoi, mais j'aime mieux l'appeler don. Est-ce qu'on pourrait, là, je t'écoute Patrick, puis pendant ça-là, je réfléchis. Ouais. Je suis pas une femme, mais je peux faire deux choses des fois en même temps. Mais... Est-ce que le don, on pourrait le voir aussi comme la place que j'ai dans le corps? OK, c'est pas juste quelque chose que je fais, c'est aussi l'endroit, la place que j'ai dans le corps. Et c'est-tu le fait qu'il me prend avec mes talents, puis me dispose dans le corps d'une façon, c'est ça qui devient le don? Je te fais le don de te placer dans le corps avec les talents que tu as là. En tout cas, c'est des idées qu'on a. Mais tu sais, le texte ne nous pousse pas complètement dans cette direction-là. Il veut surtout qu'on voit que je dois comprendre que tous les talents ou tous les dons viennent de Dieu. J'en ai besoin et ils ont besoin de moi avec mon don ou ma place dans le corps. OK? Ouais. C'est parce que c'est intéressant pour moi qu'il ait pris l'exemple d'un corps. Il n'a pas pris l'exemple de quelque chose qui serait... J'ai fait de vous autres quelque chose qui serait tout individuel, là, mais je vous emmène ensemble. Ouais. Parce que dans le corps, chaque partie est inutile sans l'ensemble. Mm-hmm. Et, si je prendrais un atelier, un marteau peut fonctionner même s'il n'est pas uni à tous les autres outils. Bien, c'est le marteau, là, il pourrait planter son clou même s'il n'y a pas une clé ou un ratchet avec lui. Là. Mais moi, ma main, pour planter le clou ou faire quelque chose, elle a besoin du bras, de la tête, ça monte jusqu'au cerveau, ça a besoin de mes pieds. Mais j'ai besoin de tout le corps, ma concentration, mon intelligence pour faire le geste. Donc, Je dirais que quand on... c'est pas pour rien qu'il a utilisé le corps comme exemple de ça. J'ai besoin de tout le corps pour fonctionner. Et c'est pas juste j'ai besoin d'un. Mais plus je côtoie de croyants, plus je bénéficie de l'ensemble du corps, de leur rôle dans le corps qu'ils ont à jouer. Ici, le marteau, il se frappe sur le pouce, ben là, ça passe partout dans le corps, ça sort par la bouche. Oui, oui, oui. Ou des fois, ça rentre dans la bouche. Des fois, ben, je parle avec Denise, puis elle me dit, ouais, elle dit, vous autres, les grandes gueules, là, mais il ne faut pas juste parler, il faut faire de quoi? Tu j'entends la femme qui a un don de servir. Vous parlez longtemps, mais qu'est-ce que vous faites là, dans le fond, dans la réalité? Là? Elle a pour son dire, il faut passer à l'action. Ça ne donne à rien ce que vous faites, là, les gars. Oui, mais nous, je dis, c'est vrai, elle a raison. Mais en même temps, tu peux servir, mais si tu n'as pas le contenu de la raison pourquoi tu veux servir, ça devient juste un service public. Là. Ça perd aussi son sens. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui va te dire hein, la raison de tout ce service-là que tu vas faire. Et le but que ça a de servir. Tu justifies ton don, là. Hein? Tu justifies ton don, là. Non, mais c'est de voir, c'est qu'on a tendance à voir le don qu'on a comme étant plus important que les autres. OK, donc, c'est pour ça dire, non, c'est vrai que si on aurait juste 5 enseignants qui s'enseignent mutuellement, il manquerait quelque chose. Absolument. Il manquerait quelque chose. Donc, on a comment je dirais ça? Un service humble. Aujourd'hui, on appelle ça un service raisonnable ou intelligent auprès de Dieu, ou un culte. J'ai changé mon titre sur mon YouTube. J'avais marqué service raisonnable, j'ai réévalué ça, puis j'étais marqué culte raisonnable. Je crois que le culte, c'est ma relation avec Dieu. Okay? Plus envers Dieu. Le service humble envers le corps, c'est plus envers les frères et sœurs. Malgré que les deux se rejoignent, bien entendu. Mais un, c'est... Parce que dans le temple, il y avait un service envers Dieu. Tout était focusé sur Dieu. Je n'allais pas au temple pour rendre un service aux gens autour de moi. J'allais au temple pour Dieu, pour faire un culte à Dieu. Et ce culte-là découlait dans ma vie sociale avec les membres du même peuple avec lequel je vivais. Donc, mais dans le temple, tous les yeux étaient fixés vers Dieu. Un culte en Dieu, à Dieu, à cause de ses compassions. Parce que le mot culte là, a cette petite connotation-là de ce qui se passait dans le temple. Je ne rends pas un culte aux membres, mais je rends un service aux membres qui va les pousser à glorifier et à adorer Dieu et à aimer Dieu. Dans sûreté ce sens. Pour leur culte. Envers Dieu. Oui, donc, je crois que ça va les aider à faire le fond, à emmener le corps dans son ensemble, à jouer le rôle que Dieu a voulu qu'il joue ici-bas. Mm-hmm. Parce que Dieu aurait pu nous prendre, nous amener au ciel directement, et on aurait fait un culte à Dieu dans le ciel, ce qu'on va faire pendant l'éternité. Mais il y a un rôle ici-bas aussi à jouer. Donc, notre corps, le corps de Christ, a un rôle à jouer ici, maintenant. Pour la gloire de Dieu, bien entendu, dans ce sens-là. Mm-hmm. Donc, je vois qu'il est déjà ennemi. On va arrêter là, parce que là, il va rentrer ça va continuer, le cas qui dit... Verset 9. 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, il va nous amener à évaluer comment on va mettre en pratique ces dons-là. Fallait pas par hypocrisie, il faut bien que je le fasse. Je ne t'aime pas parce que tu es un juif, mais il faut que je le fasse. Tu es dans l'Église. Mais tu dois aimer les frères et sœurs, mais sans hypocrisie, sans arrière-plan, sans avoir un goût amer dans ta bouche ou dans ton cœur, dans ce sens-là. Mais on va voir ça la semaine prochaine. OK, donc je vais demander à Isabelle, ça voudrait terminer dans la prière. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne sur toi et sur comment se conduire dans ta parmi les frères et sœurs à qui tu as fait grâce aussi. Merci de nous avoir donné des dons ou des talents différents qui peuvent servir à l'édification, qui peuvent servir à se supporter les uns les autres, à s'aimer les uns les autres de toutes sortes de façons. Et on te prie de nous aider, Seigneur. On a besoin de ta grâce pour aimer, pour se supporter les uns les autres, s'encourager, etc. On a besoin de toi, Seigneur. Amen.